Bonjour monsieur, quel est votre nom s'il vous plaît? Bonjour madame, je suis Jérôme Jourdan. Mon nom est Jourdan et mon prénom est Jérôme. Merci monsieur. Vous pouvez épeler votre nom s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Jourdan, JOURDAN. Merci monsieur. Bon séjour dans notre hôtel.